comment je pouvais lui manquer. Et vous me manquez déjà. Il est 16h30 sur France Bleu Auxerre et cette année-là, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve demain à 16h30. Pour l'heure, je vous laisse entre les mains de Jonathan Hernie. Et vous manquez déjà beaucoup de monde, hein, je sais, derrière leurs enceintes, Émilie. Mais patience, 13h30 demain, même 9h. Oui, avec pour les experts, experts c'est de vrai, jeu, pour les experts. Le matin, il faut juste se réveiller de bonne heure et ensuite vous la retrouvez tout au long je de la journée. Je ne bouge journée. Pas d'ici, moi. À demain, Émilie, bonne demain. Soirée. France Bleu Auxerre, 16h30, 19h.